Dikomanyanga. François Kimana sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à cette dernière édition de la mi-journée de ce 31 décembre 2022, dont voici d'abord le sommaire. Les denrées de première nécessité ne sont pas en train de faciliter la célébration des fêtes de fin d'année dans la province de Bururi. Ces derniers ayant passé du simple au double, au triple même, comme notre correspondant nous en dira dans notre journal. La plateforme nationale de prévention des risques de catastrophes est à l'œuvre pour remettre la rivière Kanyosha dans son lit. Une révélation du président de cette plateforme nationale après une descente effectuée à Kibenga rural pour constater les dégâts. Et certains habitants de Boutelele 2 en commune urbaine de Nangwa n'observent pas les règles d'hygiène en cette période où l'épidémie de choléra s'observe en province tibétoke. Vous l'entendrez également dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page Justice transitionnelle. Le chef de l'État trouve que les commémorations des victimes de différentes crises qu'a connues le Burundi devraient être organisées ensemble. C'est ce qu'a dit ce vendredi Évariste Ndayishimiye lors de l'émission publique animée à partir de la province de Kirundo. Le chef de l'État a tenu à préciser que la commémoration des victimes de différentes tragédies à des dates différentes risque de semer des divisions. Évariste Ndayishimiye a indiqué qu'il ne faut pas politiser ces commémorations. Il est traduit en français par Moïse Misako. Les crises que le Burundi a connues ont suscité des morts et dans différentes circonstances. Je peux vous dire que la crise de 1993 est commémorée par tous les Burundais sans aucune distinction. Il y a même un monument rassembleur. Mais je suis étonné chaque fois le 21 octobre de me voir seul déposer une gerbe de fleurs. Pourquoi les autres ne viennent pas déposer les gerbes de fleurs sur ce monument rassembleur? Il ne faut pas privilégier la division. Nous avons déjà décidé que tout Burundais qui a perdu les siens, ces derniers sont représentés par le monument rassembleur érigé à Bujumbura. Mais ce qui est inconcevable est que je me retrouve seul le jour de la commémoration. Tous ceux dont vous évoquez devraient procéder ainsi. Sinon, ils privilégient les divisions. À Buta, c'est une autre date, ainsi qu'à l'Université du Burundi. Ceux qui ont l'intention d'aller à Kibimba, il faut qu'ils comprennent que nous aussi, nous procédons à cette commémoration le même jour. Les Congolais Banyamulenge sont venus demander la permission et l'ont eu, car la date ne coïncide pas avec le 21 octobre 1993. Pourquoi alors on ne peut pas commémorer ensemble l'événement survenu la même date? Ceci explique que nous avons toujours l'esprit divisionniste. Le Burundi a perdu ses filles et fils. C'est pourquoi je vous invite à venir commémorer avec les autres. Cela étant, moi personnellement, je dépose une gerbe de fleurs sur la tombe de ma parenté, mais je vous exhorte à ne pas politiser cette situation. Sinon, ça risque de nous replonger dans d'autres chicaneries alors qu'on avançait positivement. Il faut qu'on se ressaisisse. Page Société à présent, la plateforme nationale de prévention des risques et des catastrophes est à l'œuvre pour remettre la rivière Kanyosha dans son lit. Une révélation du président de cette plateforme nationale après une descente effectuée à Kibenga pour constater les dégâts causés par cette rivière ainsi que les victimes des inondations de la rivière Kinyangonge à Buterere. Anisani Maruta invite les responsables de l'administration à suivre de près les constructions, car, dit-il, beaucoup ne respectaient pas le code de l'eau. On l'écoute. Les aléas sont localisés essentiellement Si je parle des inondations se localisées dans la plaine de Limbo et dans la dépression de Komoso depuis 2020, nous avons des ménages en déplacement à cause des inondations. Nous avons 2855 ménages qui sont dans les sites de Sober, Maranzia, Mafubo et Kinya 2 et dans la commune de Mutimbuzi. Ces gens ont été déplacés à cause des inondations liées à la montée des eaux de la rivière Rusizi associée à la montée des eaux du lac Tanganyika. Nous avons demandé au ministère en charge de l'environnement pour qu'il fasse une délimitation dans la zone de Gatumba pour dire voilà, ça, cette zone, on ne peut plus y habiter. Et là, nous allons envoyer les gens et les accompagner, ceux qui peuvent retourner dans les zones d'origine, et nous allons rester avec ceux qui ne peuvent pas retourner dans cette zone qui sera délimitée par le ministère de l'Environnement. Et nous allons mobiliser des moyens pour la construction de des maisons pour abriter ces ménages. Le gouvernement a rendu disponible des terrains, un terrain de 5 hectares dans la commune de Rumonge, un autre terrain de 5 hectares dans la commune de Kabezi et un terrain d'environ 10 hectares dans la commune de Mubimbi. Et nous allons continuer à mobiliser les moyens pour la construction dans ces terrains. Et quand nous analysons la situation dans l'ensemble, nous voyons qu'il y a aussi d'autres ménages qui sont en déplacement au regard de ce qui est arrivé dans la nuit du 25 au 26 décembre 2022 dans la localité de Kirengarura où la rivière Kanyosha a débordé et envahi des maisons d'habitation où nous avons 90 ménages composés de 502 personnes qui sont en déplacement et nous sommes en train de travailler avec les autres acteurs pour assister ces ménages. Aujourd'hui, il y a eu évaluation des besoins prioritaires pour ces ménages et PAM va fournir des vivres et OIM va fournir des kits non alimentaires. Après environnement, parlons hygiène. Certains habitants du quartier Buterere 2 de la zone de Buterere en commune urbaine au Nangwa n'observaient pas les règles d'hygiène. Certains utilisent l'eau de puisard pour laver les légumes et d'autres ramassent les aliments jetés dans des ordures. Cela est ainsi au moment où la province de Cibitoke fait face à un début d'épidémie de choléra. Les détails dans ce reportage d'Ornella Mucho. Arrivé en zone Buterere, plus précisément au quartier Buterere 2, l'on constate des eaux stagnantes dans différentes rues et caniveaux. Ces eaux contiennent des mouches et moustiques. Ces eaux sont même devant les maisons d'habitation. Des enfants y jouent, comme l'un des parents le raconte. Nous avons un grand problème. Ces eaux qui stagnent proviennent de Kinyangongé. Autre chose, la plupart des habitants d'ici n'ont pas les moyens d'acheter l'eau propre des robinets et utilisent celle de puisard pour la cuisson et autres. Et à propos des eaux stagnantes, les enfants s'y baignent, ils jouent et parfois ils boivent cette eau sale, ce qui fait que nos enfants souffrent souvent de maux de ventre. À côté de cela, une femme était en train de laver les légumes à vendre avec l'eau du puisard, faute de moyens d'acheter l'eau des robinets. Toujours dans cette même zone de Buterere, il y a d'autres personnes qui ramassent des ordures jetées composées d'aliments et d'objets. Ils disent de ne pas se soucier des maladies liées aux aliments ou à l'eau infectée comme le choléra. Ils disent qu'ils ont plutôt l'espoir sur les déchets déversés pour survivre. Dans ce dépotoir, je trouve du pain, mais aussi des pommes de terre, et je mange. Je n'ai pas peur de tomber malade. J'évite d'avoir peur, car je n'ai aucun autre choix que de ramasser dans ce dépotoir. Son manque d'hygiène s'observe à cette localité au moment où, dans certaines collines de Malambo 1 de la province de Cibitoke, le choléra y est déjà signalé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h06, l'actualité continue. Plus de 100 000 tonnes de sol fertile échouent chaque année dans les rivières et cours d'eau au Burundi. Selon les études menées, un phénomène à l'origine de l'infertilité des sols. Affirmation de Francis Rohiro, homme politique burundais, expliquant les actions à réaliser pour augmenter la production agricole et nourrir à satisfaction la population. Il recommande à l'État de se charger de la protection des sols parce que cela demande beaucoup de moyens qui ne sont pas à la portée du simple paysan. Suivez le politicien Francis Rohiro. Nous avons vécu dans un pays où le ministère accompagne juste l'agriculteur tel qu'il est. Le gouvernement ou les différents gouvernements du Burundi, ils ont fait quelques efforts vu de ce qu'ils avaient comme vision. Mais aujourd'hui, avec là où on va, nourrir 12 millions d'habitants, le moment venu nourrir 20 millions d'habitants, le ministère doit s'impliquer. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'il accompagne la population, mais il faut qu'il oblige la population à faire ce qui doit être fait. Il y a l'érosion. C'est prouvé avec des études que plus de 100 000 tonnes de sol disparaissent à cause de l'érosion chaque année. Est-ce une famille qui va protéger ça? Ce n'est pas possible. Le ministère doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est un acteur de premier plan qui doit donner des ordres grâce à la loi et non pas qui accompagne juste la bonne volonté d'une population. La force d'un agriculteur vient d'un commerçant qui a de l'intelligence. Si vous produisez un truc et qu'il y a un commerçant qui peut l'amener à Dar es Salaam, qui peut l'amener à Shanghai, voilà la force d'un agriculteur. Tout ce qu'on cultive au Burundi, c'est des produits d'exportation. L'important, c'est d'être intelligent et de pouvoir l'exporter. Si on produit 10 kilos de riz, si on produit 10 kilos de haricots et qu'on n'est pas satisfait, comment pourrons-nous exporter? Ayons de la production à suffisance, nous aurons la possibilité d'exporter. Et l'exporter, ce n'est pas seulement aller très loin. Nous avons ces problèmes de production dans la sous-région. Le Congo, aujourd'hui, qui va vers 80 millions d'habitants, il a besoin de se nourrir. Le Rwanda, qui a une population qui dépasse la nôtre, il a besoin de se nourrir. Il faut qu'on comprenne que les Burundais peuvent faire de leur avenir une vocation de nourrir toute la sous-région. J'ai vu que dernièrement, la police empêche aux gens d'amener les produits au Rwanda, en Tanzanie ou ailleurs. Pourquoi on fait du protectionnisme? C'est parce qu'on n'a pas assez à manger. Si on investit véritablement dans ce secteur, il y aurait des facilités pour que le gouvernement ait assez de rentrées en matière de dollars et qu'il diminue les impôts. Parce que la solution aujourd'hui à augmenter les impôts chaque fois, c'est mettre au dos l'agriculteur, le consommateur. La possibilité pour une nation de se développer, c'est de comprendre que ce Congo, qui est aussi vaste, qui a besoin de se nourrir, peut trouver sa nourriture au Burundi et vendre à suffisance. Les Congolais, ils ont assez de dollars, ils peuvent acheter chez nous chaque matin, chaque soir, et le Burundi peut voler de ses propres ailes. Propos recueillis par Armel Moutor. Le dernier dossier de ce journal est... Les fêtes de fin d'année ne sont pas célébrées suite à la flambée des prix de la plupart des denrées alimentaires qui sont passées du simple au double et même au triple dans la province Bururi comparativement à ceux de fin 2021 selon les acheteurs de cette province. À titre illustratif, un kilo de riz qui s'achetait à 1800 francs burundais s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 4000 et 5000 francs burundais. Celui de grains de maïs qui s'achetait à 700 francs s'achète à un prix variant entre 2200 et 2500 francs burundais. Les autorités administratives appellent toute la population sans exception aucune à s'atteler aux travaux agricoles pour augmenter la production. Zenon Zambimana, correspondance. Le matin de ce samedi, certains de la population s'approvisionnaient en vivres au marché de Bururi. Ils achetaient surtout la viande pour cette fête de fin d'année. D'autres, au contraire, grognent qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans les capacités de se préparer pour ces fêtes de fin d'année suite à la cherté de la vie causée par la montée des prix des denrées alimentaires qui sont passés du simple au double et même au triple par rapport à ceux de la fin de l'année écoulée. À titre illustratif, un kilogramme de riz qui s'achetait la même date en 2021 à 1800 francs burundais s'achète aujourd'hui à la même date en prix variant entre 4000 et 5000 francs burundais. Un kilogramme de grains de maïs qui s'achetait à 700 francs burundais s'achète en prix variant entre 2200 et 2500 francs burundais. Celui de haricots se vend aujourd'hui entre 2300 et 2800 francs burundais, alors qu'à la même date de l'année écoulée, s'achetait à 1300 francs burundais. Un kilogramme de pommes de terre qui se vendait à 900 francs burundais se vend aujourd'hui à un prix variant entre 1300 et 1500 francs burundais. 5 litres d'huile de coton qui se vendait à 40 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à 50 000 francs burundais. Un kilogramme de viande qui était à 8 000 francs burundais s'achète aujourd'hui entre 10 000 et 12 000 francs burundais. Certains de ces acheteurs disent que 20 000 francs burundais qu'ils pouvaient utiliser pour nourrir leur famille pendant une semaine sont aujourd'hui utilisés uniquement pour 3 jours, raison pour laquelle les fêtes de fin de cette année ne sont pas bien célébrées chez certains. Ils demandent au gouvernement du Burundi de tout faire pour que ces prix diminuent en exonérant surtout les denrées alimentaires importées. À propos de cette cherté de la vie suite à la hausse des prix des denrées alimentaires, les autorités administratives de la province de Bururi appellent la population, sans exception aucune, à s'atteler aux travaux agricoles pour augmenter la production, ce qui diminuerait les prix de ces denrées alimentaires. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zambimana pour tous ces détails et pages nécrologiques avant de boucler ce journal. Le pape Benoît XVI n'est plus. Il s'est éteint aujourd'hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican. Le pape Benoît XVI est décédé à l'âge de 95 ans. La radio Isanganiro se joint à la famille éprouvée et à l'église catholique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Les fêtes sans célébration, constate non sans regret le journal Iwachu. Durant cette période des fêtes de fin d'année, les habitants de la capitale politique interrogés par son confrère affirment que les temps sont durs pour célébrer Noël et le Nouvel An. Selon leurs propos, la question de savoir ce qu'on va manger ou ce qu'on va mettre comme habit ne se pose plus. Est-ce qu'on va manger? Telle est plutôt la question sur la plupart des lèvres, écrit Wachu. Le réveillon de Noël a été le signe précurseur, fait remarquer cet hebdomadaire. En effet, explique-t-il, les commerçants et les tenanciers et les vendeurs de divers articles s'attendaient à une ruée vers leur magasin ou échoppe pour s'approvisionner en produits alimentaires comme le riz, la viande, la bière ou les limonades, sans oublier les habits. Malheureusement, poursuit ce journal, sauf quelques cas exceptionnels qui ont dépensé sans compter, la majorité des habitants de la ville de Gitega approchés indiquent qu'ils n'ont pas de moyens pour organiser des fêtes comme avant. Un habitant de Gitega a affirmé à notre confrère qu'au marché central de Gitega, la plupart des stands et compartiments appartiennent aux dignitaires. Selon lui, conclut-il dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu, il sera difficile de réglementer la hausse des prix dans la mesure où ceux qui devaient défendre les intérêts des consommateurs sont ceux-là même qui les fixent au gré de leurs intérêts. Burundi Echo rappelle aussi que la fête de la nativité a été savourée sous le choc de l'effet inflationniste. La sécheresse des stations-service, et surtout pour le carburant de type essence, a caractérisé l'année qui tire vers sa fin, ce qui a occasionné la flambée des prix des produits de première nécessité, une des thématiques saillantes que cet hebdomadaire socio-économique a traité. Dans le numéro de cette semaine écoulée, que ce confrère consacre à une rétrospective d'autres actualités ayant marqué l'année 2022, l'éditorialiste du journal Burundi Echo conclut sagement « Dans le bonheur comme dans le malheur, jouissons des fêtes de fin d'année et du nouvel an dans la tempérance. » Revue de la presse. Des fonds de la commune de Guiharo détournés, rapporte l'agence Net Presse. Une délégation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire s'est rendue il y a plus ou moins deux semaines dans la commune de Guiharo de la province Lutana dans le but de contrôler l'utilisation des fonds de cette commune. La délégation avait eu vent d'un éventuel détournement des fonds et sur place, elle a constaté qu'au moins 20 millions de nos francs ont été détournés, souligne ce journal, qui révèle aussi que l'administratrice de cette commune, Lydia Nihimbazwe, et le comptable se jettent la responsabilité dans ce détournement déjà confirmé par plusieurs intervenants dans cette affaire. Et toutes les personnes présumées impliquées dans ce dossier sont des membres du Parti de l'Aigle, raison pour laquelle ils mobilisent tout le monde, du comptable au gouverneur, en passant par le responsable du parti, notre quotidien en ligne. La société Ninziza Company contribue à l'amélioration des conditions de vie des jeunes Burundais, écrit l'agence burundaise de presse. En effet, explique ce journal, situé au quartier 9 de la zone Ngagara, Ninziza Company est une société spécialisée dans le domaine de l'élevage, plus particulièrement l'élevage de la volaille. La société qui a pu aménager un poulailler abritant au moins 4000 poules a 17 employés, dont 8 animaliers, 2 vétérinaires, 2 superviseurs, 2 machinistes et 3 manœuvres, chacun bénéficiant d'une ration journalière de 3000 francs et un salaire de 70 000 francs burundais par mois pour chaque animalier, 250 000 francs pour chaque vétérinaire, 350 000 francs burundais pour chaque superviseur, 120 000 francs pour chaque machiniste et 100 000 francs burundais pour chaque manœuvre. Francine Inanziza, directrice générale de la société, a dit à la BP qu'elle ne regrette pas d'avoir démissionné de son travail de médecin kinésithérapeute, car, a-t-elle affirmé, elle peut couvrir toutes les dépenses de sa famille sans toutefois faire recours ailleurs. Dans les perspectives, elle espère beaucoup projeter plus loin jusqu'à pouvoir embaucher au moins 50 ou 100 employés dans cette société, souligne l'agence burundaise de presse. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokubgayo et Jean Bosco Ndouimana. Au plaisir de nous retrouver très bientôt sur cette même antenne. Recevez nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année 2023. Revue de la presse.